Le pays s'appauvrit, et moi par la même occasion, j'habite là où y'a pas trop de riches et où les jeunes t'aspergent au gaz. Trop d'idées révolues, peux aimer en bas, trop t'aimes quand t'évolues et tes amis réapparaissent qu'une fois tes problèmes résolus. Mets le volume pour le changement, dis-leur qu'on croise les doigts, même si ça craint comme un dealer chargé qui passe les douanes. J'écoute mes frères et analyse leur déception. Ma plume n'a pas pour objectif de faire de moi qu'un rimeur d'exception. On fait avec la vie et ses aléas. Je suis triste quand je vois la Palestine, mais je kiffe quand je vois les baléares. Le travail paye au SMIC et les fraudeurs se font des barres. L'argent n'a pas d'odeur, mais je sens sa présence et peur son départ. Les élections approchent, mais dis-moi qui choisir entre un parti qui pense qu'à ses poches et l'autre qui laisse le pays moisir. Trop de choses à dire car le système est infecté, ça sent l'arnaque. Mais c'est pas nous, c'est eux qu'faut inspecter. On attend que ça se passe, que tous ces bras de fer cessent, qu'on fasse en sorte que tous ces abdesses percent. On se crée de la réalité, beaucoup semblent la fuir. On débrouille comme on peut car y'a trop peu d'exemples à suivre. On attend que ça se passe, que tous ces bras de fer cessent, qu'on fasse en sorte que tous ces abdesses percent. On se crée de la réalité, beaucoup semblent la fuir. On débrouille comme on peut car y'a trop peu d'exemples à suivre. La tension est palpable et pour que ça s'arrange on se dévoue. On attend le coup de chance mais c'est la poisse qui se pointe au rendez-vous. Crois pas qu'on se plaint, heureux comparé à d'autres, mais y'a pas moyen, ça sent la carotte depuis qu'on est ado. J'ai la gorge sèche car j'ai soif de réussite. Or je sais que mon espoir meurt et bizarrement ressuscite. Peu réceptif aux nombreux messages qu'on émet, qu'on nous écoute, fait partie de ces nombreuses choses qu'on aimerait. On fonce dans le mur et la confiance brûle à petit feu. Certains parlent beaucoup mais sont malheureusement peu actifs. Je rappe dans le vide, seul sans interlocuteur. Pour qu'on m'écoute faut peut-être que je menace tel ou un tel locuteur. Pas normal qu'au resto du cœur ce soit la foule. Et quand je vois que pour oublier sa boîte chelou, c'est moi que ça saoule. Les hauts placés nous promettent des kilos de balivernes et sans table que ce mec qui dort dehors ne passera pas l'hiver. On attend que ça se passe, que tous ces bras de fer cessent, qu'on fasse en sorte que tous ces abdesses percent. On se crée de la réalité, beaucoup semblent la fuir. On débrouille comme on peut car y'a trop peu d'exemples à suivre. On attend que ça se passe, que tous ces bras de fer cessent, qu'on fasse en sorte que tous ces abdesses percent. On se crée de la réalité, beaucoup semblent la fuir. On débrouille comme on peut car y'a trop peu d'exemples à suivre. Je me balade en ville et je vois bien que ça se dégrade. On devient barge mon gars et ça c'est peut-être à force de voir des drames précaires. Et la situation je préfère pas y penser. Accélère ton rythme de vie pour ne pas te faire dispenser. On attend que ça se passe, que tous les gars que j'aime percent, que tous les calvaires cessent, qu'on stoppe les dégâts j'espère. Le temps presse, ce sont les mêmes qui s'engraissent, qui s'empressent de faire du blé pour nous doubler sans stress. On s'entraîne et quand y'a pas de fric on trafique. Y'a pas de risque, tu me verras pas signer un contrat de flic. J'vise les sommets, pas la peine de dire j'cours à ma perte. J'te rappelle que j'ai bien saisi ma chance pour pas la perdre. On attend que ça se passe, que tous ces bras de fer cessent, qu'on fasse en sorte que tous ces abdesses percent. On se crée de la réalité, beaucoup semblent la fuir. On débrouille comme on peut car y'a trop peu d'exemples à suivre. On attend que ça se passe, que tous ces bras de fer cessent, qu'on fasse en sorte que tous ces abdesses percent. On se crée de la réalité, beaucoup semblent la fuir. On débrouille comme on peut car y'a trop peu d'exemples à suivre. On attend que ça se passe, que tous ces bras de fer cessent, qu'on fasse en sorte que tous ces abdesses percent. On se crée de la réalité, beaucoup semblent la fuir. On débrouille comme on peut car y'a trop peu d'exemples à suivre.